北京人民广播电台教学广播，有线调频99.4兆赫。 北京人民广播电台教学广播，有线调频99.4兆赫。 Beijing People's Broadcasting Station, Classroom on the Air, Cable FM 99.4. 朋友你们好，欢迎您继续收听法语三百句节目，我是彭文娟。 Bonjour chers amis, je suis Marc, comment allez-vous? 在今天的节目中，我们将一起来学习第16课，看看如何请求帮助。 Aujourd'hui, nous allons étudier la leçon 16, demander un service. 在学习新的内容之前，我们先听一段小对话。 Qu'est-ce que vous voulez manger? J'aimerais du steak. Vous voulez du steak bien cuit ou saignant? Je veux mon steak à point. Quel dessert voulez-vous? Nous avons 3 glaces à votre choix. Non merci. Mais voulez-vous fermer les fenêtres? Il fait très froid. Oui, bien sûr. 在刚才的对话中，我们又复习了一下关于饮食的用语。另外还出现了这样一句话，您能把窗户关上吗？天很冷。这就是请求帮助的一种表达法。社会是一个大家庭，人人都要互相帮助。您可以帮助别人，也可以请别人帮助你。 Est-ce que je peux vous demander un service? 我能请您帮个忙吗 ？Demander un service à quelqu'un， 意思就是请某人帮忙。 Est-ce que je peux vous demander un service? Est-ce que je peux vous demander un service? 比如您外出旅行，行李太沉，可以请人帮忙。 Pouvez-vous m'aider à monter cette malle au deuxième étage? 请您帮我把这只箱子抬到三楼好吗 ？Pouvez-vous? 这是请求帮助的又一种表达法。 Aider quelqu'un à faire quelque chose， 意思是帮助某人做某事。另外，法语楼层的表达法与中文不同。Deuxième étage 指的是三层。 Pouvez-vous m'aider à monter cette malle au deuxième étage? Pouvez-vous m'aider à monter cette malle au deuxième étage? 下面学习第三种表请求的方法。Voulez-vous? Voulez-vous fermer les fenêtres? 劳驾，您把窗户关上好吗 ？Fermer les fenêtres， 意思是把窗户关上。 Voulez-vous fermer les fenêtres?Voulez-vous fermer les fenêtres? 一个人不仅需要别人的帮助，也应该去帮助别人。你说对吗，马克？ 对，所以要学会这句话。Qu'est-ce que je peux faire pour vous? 我能帮您什么忙吗？这句话直译是：我能为您做点什么吗 ？Qu'est-ce que je peux faire pour vous? Qu'est-ce que je peux faire pour vous? 我们刚才学到了 pouvez-vous 可表请求。下面马克将用这个表达法再造一个句子。 Pouvez-vous envoyer cette lettre pour moi? 您能替我寄这封信吗？寄信的表达法就是 envoyer une lettre. Pouvez-vous envoyer cette lettre pour moi? Pouvez-vous envoyer cette lettre pour moi? 下面我们把刚才学过的内容连起来读一读。 Est-ce que je peux vous demander un service? Pouvez-vous m'aider à monter cette malle au deuxième étage? Voulez-vous fermer les fenêtres? Qu'est-ce que je peux faire pour vous? Pouvez-vous envoyer cette lettre pour moi? 我们再读一遍。 Est-ce que je peux vous demander un service? Pouvez-vous m'aider à monter cette malle au deuxième étage? Voulez-vous fermer les fenêtres? Qu'est-ce que je peux faire pour vous? Pouvez-vous envoyer cette lettre pour moi? 现在收听的是法语三百句，我们继续学习。刚才我们说过，除 pouvez-vous 加动词原形可表示请求以外， voulez-vous 加上原形也可表示请求。请您再听一个句子。 Voulez-vous dire à Monsieur Lotti que je l'attends en bas? 请您告诉洛迪先生我在楼下等他好吗？ attendre 是由原形动词 attendre 变来的，意思是等待。 en bas 在这里意思是在楼下。 Voulez-vous dire à Monsieur Lotti que je l'attends en bas? Voulez-vous dire à Monsieur Lotti que je l'attends en bas? 下面是第四种表请求的方法。Veuillez 后加上名词。 Veuillez ne pas me déranger. Je suis très occupé en ce moment. 请别打搅我，我现在很忙。对原形动词进行否定时 ，ne pas 应连在一起，放在动词的前面。En ce moment 意思是现在。 Veuillez ne pas me déranger. Je suis très occupé en ce moment. Veuillez ne pas me déranger.Je suis très occupé en ce moment. 今天我们学习的第一句话就是 Pouvez-vous me rendre un service? 还有一句话跟它的意思差不多。 Pouvez-vous me donner un coup de main? 帮我个忙好吗？ Main 是手的意思。Donner un coup de main 是一个词组，意思就是帮忙。 Pouvez-vous me donner un coup de main? Pouvez-vous me donner un coup de main? 不知大家还记不记得在第八课中我们学到 don 做天气讲，下面请您看它的另一个意思。 Pouvez-vous m'appeler demain si vous avez du temps? 如果您有时间，明天给我打个电话好吗？在这里 don 就是时间的意思，前面加上 du 表示部分。 Pouvez-vous m'appeler demain si vous avez du temps? Pouvez-vous m'appeler demain si vous avez du temps? 人与人互相帮助是一种美德，而且我们应该感谢那些帮助过我们的人。 Je vous suis bien reconnaissant pour ce que vous m'avez fait. 对您为我所做的一切，我感激不尽。Être reconnaissant à quelqu'un 意思是感激某人。 Je vous suis bien reconnaissant pour ce que vous m'avez fait. Je vous suis bien reconnaissant pour ce que vous m'avez fait. 下面我们把要求帮助的几个句型总结一下。第一种 ，demander un service。 Est-ce que je peux vous demander un service？ 第二种 ，pouvez-vous 加上动词原形。 Pouvez-vous m'aider à monter cette malle au deuxième étage？Pouvez-vous envoyer cette lettre pour moi？Pouvez-vous me donner un coup de main？Pouvez-vous m'appeler demain si vous avez du temps？ 第三种 voulez-vous 加上动词原形。 Voulez-vous fermer les fenêtres? Voulez-vous dire à Monsieur Lotti que je l'attends en bas? 第四种 veuillez 加上动词原形。 Veuillez ne pas me déranger. Je suis très occupé en ce moment. 我们再看一看提出帮助别人以及表示感谢的表达法。 Qu'est-ce que je peux faire pour vous?Je vous suis bien reconnaissant pour tout ce que vous m'avez fait. 最后，我们看看本课中字母 S 的发音。当 S 不处于两个元音之间时，发 S, service, suis, si. 当 S 位于词尾时，不发音，如 vous, fenêtre, bas. 另外还需要说明一下，在法语中所有的辅音字母位于词尾时，除 C, F, L, R 这四个以外都不发音，只有加上字母 E 以后才能发音。 Bon Lucie, je crois que c'est tout pour aujourd'hui. 听众朋友们，今天的节目就到这里。如果您在学习法语时候遇到什么困难，可以告诉我们，我们会尽量帮助您。好，咱们下次节目再见。 Au revoir。 这次的外语实用口语三百句讲座节目播送完了。 good time waiting for that second chance, for a break that would make it okay. There's always one reason to feel not good enough, and it's hard at the end of the day. I need some distraction. Oh, beautiful release. Memory seeps from my veins. Let me be empty. No.